Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. France Inter. Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Léopold von Sacher-Masoch, l'écrivain devenu symptôme. Masochisme, un mot banal que nous utilisons pour désigner cette tendance qu'ont parfois les humains à se faire à eux-mêmes du mal et surtout à y prendre du plaisir. Et, plus affriolant, pour désigner des pratiques sexuelles oscillant à grands coups de fouet entre domination et soumission. Mais le mot masochisme ne vient pas de la rue ou du bordel. Il a été inventé en 1890 par un monsieur très sérieux à moustache, le docteur Krafft Ebing, un psychiatre qui ne se rendait pas compte du mal qu'il allait causer à un écrivain. Léopold Sacher-Masoch, un étonnant destin. Cet écrivain autrichien de la seconde moitié du 19e siècle fut célèbre de son vivant pour des contes ou des pièces de théâtre plutôt sages, avant que son nom, pour son plus grand malheur, ne se résume à celui d'une perversion sexuelle. Car l'œuvre de Sacher-Masoch, passée à la postérité, est aussi la plus sulfureuse. La Vénus à la fourrure, l'histoire d'un jeune homme qui tombe sous le charme dominateur de Vanda, une belle rousse enveloppée de fourrure, dont il va devenir l'esclave, subissant avec délectation les humiliations et les châtiments corporels. Un jeune homme qui, nous allons le voir, ressemble trait pour trait à l'écrivain. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Catherine Sova, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, vous connaissez bien la littérature germanique, vous avez écrit plusieurs biographies d'écrivains allemands ou autrichiens, Schnitzler, Rilke, Stefan Zweig, etc. Et vous êtes l'autrice d'une BD justement sur Sacher-Masoch. Quelle place cet auteur occupe-t-il aujourd'hui dans la littérature ? C'est un auteur qui est resté toujours relativement sulfureux, puisqu'on l'associe forcément donc au masochisme avec cet ouvrage que vous avez mentionné qui s'appelle « La Vénus à la fourrure ». Il est tombé relativement dans l'oubli pendant longtemps. Il y a toujours eu des tentatives de revenir vers lui avec des ouvrages parfois qui essayaient de dépeindre ses turpitudes, d'autres qui essayaient d'aller vers quelque chose de dérivage un petit peu plus philosophique et d'essayer de comprendre ce que ça, tout ça signifiait. J'ai l'impression que c'est toujours un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement présent, en tous les cas pas à la mesure de l'importance qu'il a eu de son vivant, et surtout pas à la mesure de l'importance qu'il a eu en France, même à la fin du 19e siècle. Oui, il a même eu la Légion d'honneur, on le verra. Alors Sacher-Masoch, il est né en 1836 en Galicie, à Lemberg. Alors, il faut quand même resituer dans le contexte. Galicie, c'est l'Empire d'Autriche. C'est aujourd'hui, ce serait l'Ukraine. Exactement. Dans l'ouest de l'Ukraine. Exactement, dans l'ouest de l'Ukraine, c'est une province qui était rattachée à l'Empire, mais qui a toujours été partagée entre à la fois le côté polonais, le côté ukrainien, et puis forcément le pouvoir, le joug autrichien. C'est donc un véritable bain linguistique dans lequel il naît, du multiculturalisme, comme on dirait aujourd'hui. Exactement. Lui, il s'est senti toujours beaucoup plus slave, en fait, d'où son intérêt pour les fourrures, pour les paysages enneigés, mais de langue allemande. Ses deux parents étaient de langue allemande aussi, mais comme souvent c'était le cas pour la majorité, en tous les cas, pour les gens qui avaient le pouvoir, donc ils parlaient nécessairement l'allemand. Son père dirige la police. Oui, préfet de police, vous rendez compte. Oui. Il va quand même vivre des choses assez étonnantes dans son enfance qui vont, je pense, le traumatiser, enfin peut-être l'inspirer aussi. Déjà des spectacles de violence quand même dans l'hôtel de police. Et puis, il voit des événements politiques, les massacres de Galicie, des soulèvements de paysans, la révolution de 1848, il est encore enfant. Et toutes ces images le marquent, des images de violence. Oui, je crois que le thème de l'insurrection chez lui est très très important. Il y a déjà en 1846, donc dans sa ville natale, il y a des premières insurrections des Polonais. Des paysans, Des paysans polonais. Ensuite, quand son père va être nommé à Prague en 48, oui, là, c'est là où il va voir, voilà, oui. Exactement, oui. Les gens sur les barricades. Il est vraiment aux premières loges, donc tout ça le marque beaucoup. Tout comme il a pu voir les prisonniers qui étaient dans l'hôtel de police, toujours, où il vivait avec sa famille, puisque c'était là qu'ils étaient gardés. Et puis, il y a les femmes. Les femmes, dès sa toute petite enfance, le marquent énormément. Ah, ça, oui. ça va lui rester longtemps. Ça va lui rester longtemps. Sa nourrice, d'abord. Sa fameuse Ancha qui le sauve, en fait, parce que c'est un enfant qui est très chétif, qui manque de mourir. Et donc, c'est son sein généreux. Le sein généreux de cette femme va effectivement contribuer. Grande femme, grande, voluptueuse. Oui, alors comme à la Zachar Mazoche, c'est-à-dire grande, costaud, impressionnante, et certainement déjà très voluptueuse. Et qui porte des bottes de maroquin rouge. Hein. Forcément, ah, bah forcément. Oui. On a déjà ses premières comme images. Comme on la retrouvera dans la chanson de Velvet Underground qu'on va écouter. Oui, et puis l'autre personne qu'il a eue aussi, qui était importante, c'était sa gouvernante, qui s'appelait, ça ne s'invente pas, Mademoiselle Martinet. Ah oui, française. Française. Donc, avec un nom pareil, on peut dire qu'il était déjà prédestiné. Oui, à Martinet, oui. Et la tante Zénobie, quand même. La tante Zénobie, ça serait presque la scène primitive, c'est-à-dire que c'est un jour où il doit se cacher pour essayer d'observer un petit peu, enfant, hein, bien sûr, quand il se cache pour observer, essayer d'observer ce qui se passe, il surprend sa tante, qui reçoit son amant. Évidemment, le mari arrive, et donc, voilà, tout ça, il y a une scène de violence. Elle est en train de fouetter son amant. Elle est en train de fouetter son amant. Et du coup, comme elle voit que son neveu la voit, elle s'en prend à lui aussi. Le fouette aussi. Voilà, donc sa première scène de douleur et de plaisir. Donc il va étudier l'histoire, la philosophie, il devient écrivain, critique, et en 1870, il écrit la fameuse Vénus à la fourrure. De quoi il s'agit ? La Vénus à la fourrure, c'est un petit... En fait, ça devait rentrer dans un cycle, un cycle qu'il avait appelé le Legs de Caïn, où il devait, de manière très ambitieuse, parler de différents projets, et dont celui-ci, c'est sur l'amour. L'amour, la Vénus à la fourrure, c'est une femme qui forcément attire dans ses filets un homme qui devient son esclave. Une femme dominatrice. Femme dominatrice, et il décide de passer tous les deux un contrat. Et ce contrat dit qu'il est... Il accepte, il le désire. Il réclame le fouet, il réclame absolument toutes les situations d'humiliation possibles et imaginables. Alors, le livre, alors qu'il était un écrivain qui avait un certain renom à l'époque, pour différentes pièces, différents romans qu'il avait pu écrire, là, ce livre-là surprend. Il surprend. C'est un euphémisme. Catherine Sauva, on se retrouve, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Léopold von Sacher-Masoch, de l'écrivain aux symptômes, un texte de vous, Catherine Sauva, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet. J'attends Vanda. Quand elle apparaîtra, elle pourra disposer de moi comme bon lui semble. Je suis son souffre-douleur, son esclave, son chien, sa chose. Je suis l'enfant puni qui attend la nuit durant le pardon ou la délivrance. Hier, c'est le fouet qui m'a récompensé de mon attente. L'autre jour, elle a mis sa robe rouge pour se rendre au café du coin. Elle était la seule femme au milieu de tant d'hommes qui la mangeaient des yeux. S'est effrontée et s'est mise à jouer au billard. Un cigare planté entre les lèvres. Avec ses seins qui se frottaient au velours vert, son dos cambré, sa croupe comme offerte. Elle m'a deviné au dehors, cachée au coin d'une fenêtre. J'en frissonnais de plaisir. C'est mon seul regard qu'elle cherchait au milieu de ses bougres. Car si je lui appartiens corps et âme, elle m'appartient aussi. J'attends Vanda. Elle tarde à venir, mais je suis capable de tout endurer pour elle, ma souveraine, ma cruelle. En ce début 1883, l'air agité, un homme de 47 ans, aux habits sombres et aux cheveux désordonnés, pousse la porte de son appartement de Leipzig où s'entassent des piles de livres et de revues. L'écrivain Léopold de Sacher-Masoch n'a pas pu subir, comme il l'espérait, les affres d'une nouvelle scène passionnée avec sa femme Vanda, car elle n'est pas venue le rejoindre. Tous les deux rejouent régulièrement des situations inspirées par une nouvelle que Léopold a publiée 15 ans plus tôt, « La Vénus à la fourrure », où un homme se soumet volontairement à une femme dominatrice et cherche à se faire battre et humilier par elle. À l'instar de ce récit, le couple terrible a aussi passé un contrat, un étrange dispositif qui fixe le cadre de leurs rituels érotiques. Et parmi les délicieuses souffrances dont Léopold se veut l'objet, il y a les tourments de la jalousie que procure la recherche d'amants éventuels pour Wanda. Dans ce télescopage permanent entre fantasme, réalité et fiction, leur couple se met régulièrement en danger. Cette fois-ci sera sans doute la fois de trop. Te voilà. Où étais-tu ? Je t'ai attendu. Regarde. Wanda, regarde. Une lettre de France. Une de plus. J'ai désormais les félicitations de Monsieur Victor Hugo en personne. Les plus grands noms de toute l'Europe ont tenu à célébrer le jubilé de mes 25 ans d'activité littéraire. Il y a même une lettre d'Ibsen. Hein. Attends. Je vais te la montrer. Ne te donne pas cette peine. Je suis fatiguée, Léopold. Les enfants ont été malades toute la journée. Oui, et attends, tu sais pas tout. Je vais aussi être décoré de la Légion d'honneur. Par décret de Monsieur Jules Grévy, le président de la République française. Je nous ai fait un cadeau pour fêter cette bonne nouvelle. Par pitié, Léopold. Ouvre-le. Des bottines. Rouges. Pour aller avec ta nouvelle robe. Tu seras magnifique et imposante, comme tu sais l'être. Des bottines, une robe, et nous n'avons même pas de quoi finir le mois. Pauvre fou. J'ai dû payer l'édition de la revue à mes frais ce mois-ci, mais je vais bien finir par tout récupérer, t'inquiète pas. Hein. Ta revue ? Mais qui se fiche bien de ta revue qui jamais ne nous permettra de vivre selon notre rang ? J'aime quand tu es contrariée, ma voluptueuse, ma cruelle. Je suis épuisée par ce rôle que tu me fais jouer depuis 10 ans. Tu as raison, je suis un misérable, un scélérat. Punis-moi comme il se doit. Je mérite le fouet pour ma négligence. Piétine-moi, comme tu sais le faire. Fripon que je suis. Relève-toi. Je me remets entre tes mains, ma sublime, ma divine despote. Mon pauvre Léopold, décidément tu deviens pathétique. Tu sais quoi ? Je vais passer une petite annonce pour nous trouver un nouveau complice. Quelqu'un de raffiné, qui saura te plaire. Ne te donne pas cette peine, c'est fait. Ah oui ? Mais bravo, ma divine. Qui est-ce ? Un homme qui m'aime et sait m'apprécier pour qui je suis. Son nom ? Allez, ne me fais pas languir. Tu le connais ? Il s'agit d'Armand. Armand ? Tu as déjà oublié comment il a forcé la porte de mon bureau ? En se faisant passer pour un grand journaliste ? Qui n'est qu'un vulgaire plaisière, un intrigant. Il va se servir de toi, comme il a fait pour moi. Je lui ai décrit cet enfer que tu me fais vivre et il est prêt à m'arracher à toi. C'est un jeu, n'est-ce pas ? Ah, dis-moi, c'est un nouveau scénario, hein, écrit par toi pour moi. C'est fini. Je te quitte, Léopold. Tu ne peux pas briser notre contrat. Sur ta seule décision, c'est pas possible. C'est toi qui es venu me chercher. C'est toi qui m'as supplié de devenir Wanda, d'incarner ma Vénus à la fourrure. J'étais jeune. Ton contrat, ta Vénus, je te les rends. Je n'en veux plus. Enfin, tu pars ? Tu pars pour de bon ? Sa voiture m'attend en bas. Tu m'abandonnes ? Moi et les enfants ? Je viendrai les chercher plus tard. Adieu. Laisse-moi passer. Et le seul claquement de fouet que Léopold entendra ce soir est celui du cocher de la calèche entraînant Wanda et son amant au loin. Mais ils sauront vite se rappeler à son bon souvenir quelques mois plus tard. Encore une relance pour un impayé ? Ah ça, ils ne dédaignent pas l'épicerie fine, les gredins. Wanda a décidé de mener grand train avec cet escroc d'Armand. Ces deux-là se sont trouvés. Ça ne les dérange pas de vivre confortablement sur mon dos ? De profiter de ma réputation, de mon argent. Mais je ne paierai plus. Ça fait trop longtemps que ça dure. J'ai fait savoir autour de moi que je ne suis plus responsable des billets à ordre émis par ma femme. Sans parler des fausses reconnaissances de dette qu'elle écrit en mon nom. La garce. Entre sa séparation et ses dettes, Léopold peine à se relever. D'autant qu'il doit surmonter une nouvelle et terrible épreuve, la mort en 1884 de l'un de ses deux fils, atteint du typhus. Mais désormais, il n'est plus seul dans la tourmente. Il peut compter sur le dévouement de Hulda Meister, une Allemande de 36 ans, traductrice de sa revue. Tous deux s'engagent dans une relation amoureuse, tandis qu'un premier enfant vient sceller leur union. Léopold tente alors d'obtenir le divorce avec Wanda, qui s'y refuse, préférant continuer à bénéficier de la renommée de son nom. Fin 1886, il se rend à Paris, où il est accueilli par un article en une du Figaro. Il est célébré dans la capitale comme un écrivain slave, auteur de contes, dans la lignée du grand Tourguenieff. Hulda l'y rejoint quelques mois plus tard. La ville lumière. Oh, Léopold, c'est un rêve. Et qui dit Paris, dit une soirée au théâtre. Dans une loge en plus. T'es reçu comme un hôte de marque. Une faveur de mon ami chroniqueur à la vie parisienne. Dommage que la grande Sarah Bernhardt soit en tournée, tu l'aurais vue sur scène. Raconte-moi tout ce que tu fais depuis que tu es là. Qui tu vois, je veux tout savoir. Hier, j'ai déjeuné avec Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Mais il doit avoir au moins 100 ans. Mais non, ma petite abeille. Alexandre Dumas, fils. Je lui ai raconté comment j'avais eu la chance de rencontrer son père à Vienne quand j'étais encore enfant. Il m'avait prédit que je deviendrais romancier. Bah, qui sait si à sa façon... Il ne m'a pas mis un peu sur la voie. Ah, Léopold. Et si nous prolongeons notre séjour de quelques mois, notre deuxième enfant sera un petit Parisien ? Ou une petite Parisienne ? Ah oui ? Mais moi, j'ai hâte d'être de retour chez nous pour installer notre famille dans la nouvelle maison. J'ai 1000 projets qui m'attendent. Léopold, plus rien ne manque à mon bonheur sinon d'être ta femme légitime. Tu sais combien j'ai honte de ne pas pouvoir te donner mon nom. Je ne cesse d'écrire au tribunal pour connaître l'avancement de mon dossier. On m'a assuré que le divorce d'avec Wanda serait prononcé d'ici 2 mois. Mais la question de notre mariage ne sera pas réglée pour autant. Hein. En tant qu'autrichien catholique, je n'ai pas le droit de me remarier. Et je ne veux pas abandonner ma citoyenneté. Le plus important, c'est de nous débarrasser d'elle une fois pour toutes. Plus que 2 mois, sois patiente. Et je crains qu'il ne faille attendre bien plus longtemps avant qu'elle ne quitte tes pensées. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu l'as vénérée. Tu l'as placée pendant si longtemps sur un piédestal et... Et cette icône-là m'intimide. J'ai peur de ne jamais être à la hauteur. Mais qu'est-ce que tu dis, ma petite abeille ? Cette femme-là n'existe plus, je l'ai oubliée. C'est toi. C'est toi, désormais, qui me donne toute la force dont j'ai besoin. Ne crains rien. Mais il n'y a pas que l'inspiratrice que je crains, il y a aussi la maîtresse. J'ai peur de ne pas te combler comme elle a su le faire et qu'un jour tu finisses par regretter vos pratiques, voilà. Rassure-toi, ma chérie. Wanda, la femme, m'indiffère. Et l'autre Wanda, le personnage de la Vénus à la fourrure, n'est plus qu'un souvenir. Je ne suis plus cet homme tourmenté par ses désirs. J'aspire à une nouvelle vie désormais. Celle que tu m'offres, toi, Hulda, pour le restant de nos jours. Ce séjour à Paris m'aura enfin permis de retrouver confiance dans mon travail et de croire en un renouveau. Et tout ce que j'ai dit à Hulda ce soir est vrai. Je me suis débarrassé de l'influence néfaste de Wanda, comme de mes obsessions autour de la Vénus à la fourrure. Je ne la vois plus comme une héroïne cruelle et fascinante, mais comme cette femme capricieuse et méchante qu'elle a toujours été. Hulda est à mes côtés désormais. Et rien ne viendra ternir notre bonheur. Et de fait, Léopold ne peut anticiper l'étonnant coup du sort sur le point de le frapper. Car au même moment, en 1886, on publie à Vienne l'un des tout premiers ouvrages scientifiques sur la médecine mentale, un traité de psychiatrie intitulé « Psychopathia sexualis » ou « Psychopathologie sexuelle ». L'auteur est un certain Richard von Krafft-Ebing, psychiatre et expert médico-légal auprès des tribunaux. Grâce à son travail de médecin légiste, qu'il a confronté à de nombreux procès sur des délits sexuels, il apporte une contribution inédite sur la perversion sous toutes ses formes. Depuis ce premier volume, chaque année, une nouvelle édition augmentée avec l'ajout d'observations inédites voit le jour. En 1890, Kraft et Bing retrouvent un collègue psychiatre dans un café viennois pour évoquer l'avancée de ses publications. Et parmi celles-là, Léopold va jouer, à son insu, un rôle inattendu. Mon cher Richard, calme-moi son. Et quelle somme de travail. Oh, merci. Vous venez de publier rien de moins que le grand catalogue des perversions sexuelles. Oh, ben, venant de vous, je suis touché, mon cher confrère. J'avoue que je dois beaucoup à des contributeurs qui m'écrivent de partout et qui attirent mon attention sur des cas que personne n'avait répertoriés par le passé. Tenez, par exemple, je viens de recevoir le témoignage incroyablement détaillé d'un homme qui est médecin lui-même et qui me décrit très précisément comment il se sent, non pas homme, mais femme. Il déclare que son physique ne correspond en rien à la représentation mentale qu'il se fait de lui-même. C'est un cas, mais passionnant. Ce qui m'a le plus intrigué dans ce que j'ai lu, c'est l'étonnante variété des fétichistes et leurs spécificités. Chaussures, vêtements, mouchoirs, et j'en oublie. Ah bah, au tribunal, j'ai dû statuer sur un coupeur de nattes, figurez-vous. Et l'accusé, devant des cheveux tressés, éprouvait le besoin de se les approprier sur le champ avec une paire de ciseaux. Non, mais vous imaginez la frayeur de ses victimes. Et quand la police a perquisitionné chez lui, ils ont trouvé une soixantaine de nattes qui étaient soigneusement rangées dans des petits paquets. C'était un vrai musée capillaire. Quelle bizarrerie, mon Dieu. Alors, mon cher confrère, alors ce terme de bizarrerie n'a rien de scientifique, hein, vous en conviendrez. Mais bon, il ne sortira pas d'ici. Plus sérieusement, votre psychopathia sexualis ouvre les portes d'un continent secret que nous commençons à peine à entrevoir. Vous venez de donner un siècle de travail au psychiatre de demain. Je songe déjà à la prochaine mise à jour de mon ouvrage, tant je découvre de nouvelles pathologies, notamment l'une sur laquelle je travaille en ce moment. Dites-moi plus. Vous connaissez sans doute les écrits du fameux marquis de Sade, cet écrivain français débauché et subversif, aux publications plus qu'immorales, est mort à l'asile psychiatrique de Charenton. Bien sûr. Voyons, les malheurs de la vertu, les prospérités du vice, la philosophie dans le boudoir. Voilà, et donc j'ai utilisé son nom pour caractériser le lien pathologique qui existe entre la volupté et la cruauté, le sadisme. Le sadisme. Eh oui. Et exactement de la même manière, j'ai créé son symétrique, c'est-à-dire la recherche de la volupté dans la douleur. Et j'ai reçu à ce sujet une lettre, très détaillée, d'un Berlinois, qui m'explique comment il aime être soumis à des femmes et subir leurs mauvais traitements. Et le malheureux m'explique qu'il a trouvé son inspiration dans un livre intitulé « La Vénus à la fourrure » d'un écrivain autrichien, Léopold Sacher-Masoch. Ah oui, je me souviens de ce roman qui avait eu naguère beaucoup de presse. Curieux personnage, ce Sacher-Masoch. Il continue de publier, je crois. Eh bien, cette Vénus et son auteur sont vénérés par cet homme dont je vous parle et par quelques autres qui s'identifient à lui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné à cette pathologie un nom qui est bâti à partir du patronyme de Sacher-Masoch, le masochisme. Et ce Sacher-Masoch, vous ne tenez pas à le rencontrer s'il est toujours vivant ? Qui, à l'époque, n'aurait pas été curieux de rencontrer le marquis de Sade ? Bon, j'aurais pu, quand j'enseignais à l'université de Graz, il y vivait aussi. Je crois que désormais, il s'est établi en Allemagne. Mais l'homme ne m'intéresse pas autant que l'œuvre. Et tout le matériau dont j'ai besoin pour décrire sa pathologie est contenu dans la Vénus. J'ai hâte de lire cette édition augmentée du Psychopathia Sexualis. Et j'espère qu'un jour, les perversions qui y sont décrites seront enfin traitées en tant que maladie mentale. Votre livre va certainement nous aider à populariser notre discipline qui n'attire pas encore assez nos étudiants. Il faudrait aussi que les médecins soient un peu plus formés pour reconnaître et diagnostiquer les maladies mentales. Bah, disons que les plus grandes découvertes sont encore à venir. Le plaisir dans la douleur décrit dès l'Antiquité est aussi évoqué dans certains classiques, dont les Confessions de Rousseau avec son expérience de la fessée ou Nana de Zola avec les scènes d'humiliation qu'elle fait subir à son amant. 3 ans avant Kraft et Bing, le psychologue français Alfred Binet aborde de son côté ce qu'il appelle ce phénomène étrange et paradoxal de la jouissance dans la douleur physique, mais aussi morale. Après la création du terme masochisme, d'autres tenteront en vain d'émerger, comme le passivisme ou l'algolanie, mais ce sera bien la désignation du professeur Kraft et Bing qui va s'imposer, pour le plus grand malheur de son inspirateur. 1890, à Innheim, petit village de la Hesse allemande. celui de Schubert me résiste. Je compte le jouer bientôt, tu sais. Je t'avais pas... Ferme la porte, s'il te plaît. Et que se passe-t-il? Fais-le, te dis-je. Mon Dieu, tu m'inquiètes. Mais parle donc. Je suis un monstre. Léopold, par pitié. Un psychiatre me traîne dans la boue. Un psychiatre? Un Allemand qui vit à Vienne. Un grand ponte, paraît-il, spécialiste des dangereux maniaques. Toi? Il prétend que ma Vénus à la fourrure est l'illustration parfaite d'une de ses théories. Et tu sais le pire? Non. Il lui a donné mon nom. Mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, attends, attends, je te le dis. Ces perversions sexuelles peuvent être appelées masochisme, car le romancier Sacher Masoch, dans de nombreux romans et surtout dans son célèbre La Vénus à la fourrure, a fait de ce type de perversion le thème favori de ses écrits. Perversion sexuelle quoi? Masochisme? L'individu est obsédé par l'idée d'être soumis au point de subir des humiliations. Et je t'en passe. Mais c'est publié où? C'est un écrit scientifique, tu dis? Mais regarde! Ça s'appelle la psychopathia sexualis. Et je suis en bonne compagnie, hein, vois-tu? Une belle société de malades mentaux, d'obsédés, de débauchés. Et il y a même des nécrophiles, c'est effrayant. Et parmi tous ceux-là, il m'a réservé une place de choix auprès du célèbre marquis de Sade. Sade? Mais pourquoi? Parce que c'est aussi un écrivain? Parce que cet éminent professeur, pour accréditer sa thèse, a mis en avant deux néologismes. À partir de nos deux noms, sadisme et masochisme. Nous voilà comme les deux faces d'une même monnaie, l'un étant le pendant de l'autre, son envers. Nous sommes des pervers complémentaires. À cette différence près qu'il est établi que Sade était bel et bien un cas clinique. Il a fini sa vie dans un asile de fous, non? Sade a passé près de 30 années de sa vie en prison, pour sévices et blasphèmes. Il aurait même empoisonné des prostituées et pratiqué des mutilations sur des très jeunes filles. Bon, calme-toi, je t'en prie. Ouais. Tu es un écrivain reconnu, honoré. Oui. Ce professeur aurait certes dû te consulter avant de t'épingler de la sorte dans son étude, mais son argumentaire sur ton œuvre n'est peut-être pas complètement infondé. Hein. Comment? Je veux dire, le héros de ton roman rêve bien de se soumettre pieds et poings liés à sa maîtresse, non? Oui. Bon. Tu as décrit les délices de l'humiliation et tu as célébré cette douleur physique et morale. Ouais. D'ailleurs, tu n'as pas publié que celui-ci sur le sujet. Non. Tu as souvent utilisé des personnages de femmes dominatrices et despotiques. Et quand on a laissé entendre que tes pratiques personnelles étaient le reflet de tes livres, tu ne t'es pas insurgé. Alors, pourquoi t'indignes-tu aujourd'hui qu'on fasse le rapprochement entre l'homme et l'œuvre? Hulda, il n'y a rien de littéraire dans cette reconnaissance. Il n'y a que de la maladie mentale. C'est abusif! Injuste! C'est inique! Sade est mort bien avant de subir cette ignominie, et je n'ai pas cette chance. Et pourquoi exagérer l'importance de cette publication destinée à trois vieilles barbes et deux blouses blanches, non? De fait, il prétend que son livre s'adresse essentiellement aux magistrats et aux médecins légistes. Oui. Ça restreint un peu l'audience, non? Oui, oui. Quel public s'intéresserait à cette espèce de grimoire, à la terminologie incompréhensible? Tu le penses vraiment? N'oublie jamais que tu es Léopold de Sacher Masoch. Auteur d'une vingtaine de romans, d'une centaine de nouvelles, d'essais et de pièces de théâtre. Oui. Soit des milliers de pages, traduites et publiées dans toute l'Europe jusqu'en Amérique. Et tu te sentirais mis en péril par quelques petits paragraphes dont le monde entier ne prendra même pas connaissance. Heureusement que je t'ai, ma petite abeille. J'ai porté jusqu'ici avec tant de fierté le nom de Masoch parce que c'était le vœu de mon grand-père maternel. Il craignait qu'en mariant sa fille, la lignée des Masoch ne s'éteigne, et il a demandé à ce que les deux noms soient liés. Ah, si le pauvre homme voyait aujourd'hui ce qu'on a fait de son fier patronyme! Quelle sinistre postérité! Dans notre petit village de Lindheim, nous avions tout pour être heureux. Que va-t-il se passer désormais? Tiens. Je vois que Hulda a laissé un de mes romans ouvert sur mon bureau. Elle y a souligné un passage à mon intention. Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire? J'ai connu la douleur et à chaque épreuve, je suis sorti meilleur. Mais pour être sauvé tout à fait, j'avais besoin de rencontrer un vrai cœur de femme. Oui. Et oui, c'est bien ça dont il s'agit. Il faut un cœur pur. Tu m'as sauvé la vie, petite abeille. Mais Ça ne suffira peut-être pas. Wanda, son ex-femme, est abandonnée par son amant, qui, après avoir escroqué Léopold, lui a soutiré jusqu'à son dernier sou. Malgré un appel, elle a perdu son procès contre Léopold, qui a enfin pu obtenir le divorce et se marier avec Hulda en 1890. Furieuse, ruinée, Wanda soumet son ex-mari à un chantage. S'il ne lui envoie pas séance tenante l'argent qu'elle réclame, elle écrira ses mémoires où elle dira sa vérité, celle d'une femme victime des fantasmes de son mari. Elle prétend que des deux, c'était elle la soumise à ses caprices, à cet horrible rôle de dominatrice qu'il lui imposait. Elle n'aurait réussi à se libérer de sa tyrannie qu'en le quittant. Elle tient donc à faire connaître les dessous de leur relation conjugale. S'ensuit alors entre Wanda et Léopold un duel épistolaire particulièrement féroce. Tu as inventé tellement d'histoires sur notre mariage que tu as fini par y croire. En racontant ces histoires à autrui, tu peux les abuser, puisqu'ils n'entendent qu'une seule version. Je veux arracher le beau plumage dont tu veux te couvrir en te montrant au monde tel que tu es. J'ai depuis 10 ans gardé le silence pour éviter le scandale, alors qu'il eût été de mon devoir de parler. Mes fantasmes n'auraient jamais envahi notre mariage si tu ne les avais cultivés pour des motifs égoïstes. Nul n'a le droit de me les reprocher aujourd'hui, puisqu'ils n'ont fait souffrir que moi-même. Tu tournes comme un chat échaudé autour du pot, de crainte qu'en y touchant tu puisses te brûler. Tu devras bien le manger, ce plat brûlant, je te le garantis. Ton comportement n'est inspiré que par la vengeance. Tu sais parfaitement que ta plainte ne peut aboutir. Tu me paieras non seulement la somme que je te réclame, mais encore les frais du procès. Je te ferai saisir toutes les semaines. Je méprise tes menaces et je ne manquerai pas de répondre à tes publications. Que tout ton talent se soit affadi dans le bonheur de ton nouveau foyer n'est plus un secret pour personne. Mais que tu puisses écrire des lettres aussi niaises, je ne l'aurais jamais cru. Es-tu devenu faible d'esprit ? Ma femme me connaît sous un autre jour que celui sous lequel tu veux me présenter. Et c'est par elle qui m'aime et m'estime que mes enfants m'apprécieront. Le chantage de Wanda ne prend pas auprès de Léopold, qui ne s'en laisse pas compter. Mais il ne sait pas que la vraie disgrâce va s'imposer de la manière qu'il redoutait le plus. Pendant ce temps, à Vienne, Richard von Krafft-Ebing et son collègue psychiatre se félicitent de la répercussion de sa psychopathie sexuelle. Mon cher Richard, vos ouvrages sont un best-seller. 7 rééditions augmentées, des traductions dans le monde entier. Bah, je vous avoue que je suis le premier surpris, mon cher confrère. Quand toute cette aventure a commencé, je ne me doutais pas de ce retentissement. J'ai volontairement écrit mon Psychopathia dans une langue érudite, que nous sommes peu à pratiquer, avec du latin, des terminologies cliniques, et tout ce qu'il faut pour décourager le profane. Ben justement, ne trouvez-vous pas que ce succès public pose question ? Qu'il interroge notre domaine d'expertise ? Et parfois, j'ai l'impression d'avoir écrit un livre licencieux. C'est le comble. Il a attiré quantité de curieux, c'est vrai. Ils y voient une plongée dans les turpitudes humaines. D'autres y voient une anthologie des pulsions morbides. Pourquoi s'en étonner après tout ? Le récit des débauches d'autrui a toujours attiré le chaland. Et peut-être que la description de ces mœurs dénaturées, parfois jusqu'au sordide, les rassure sur leur propre pratique. La psyché humaine est insondable. On pourrait dire qu'il y a un voyeur en chacun de nous. Ce serait presque une entrée à créer dans le psychopathia, le voyeurisme, pour faire pendant l'exhibitionnisme que vous traitez. Les lecteurs aux intentions douteuses ne m'intéressent pas. Il y en a tant d'autres, en souffrance, et qui se cherchent parmi les pathologies que je décris. J'en ai pour preuve la quantité de contributeurs qui continuent de m'envoyer leurs témoignages, qui viennent me voir, à la sortie de mes cours au tribunal pour se confier à moi. Et ils sont 1000 fois plus nombreux que nous aurions pu l'imaginer. Ce sont eux qui font progresser notre science. On me condamne sans que je puisse me défendre. Il est maintenant d'autorité publique que mes penchants sont une maladie. Mais je ne suis pas malade. Ainsi, j'aurais engendré non une génération de lecteurs, mais un rassemblement de déviants admirateurs de mon œuvre, ma Vénus. Une perversion ? Moi, dont l'intention était d'inverser les rapports entre les sexes, d'imaginer un autre modèle de relation amoureuse afin d'explorer le désir dans ses recoins les plus secrets et ses paradoxes les plus sulfureux. Je n'ai ni honte de mon œuvre, ni de mes frasques d'antan. Rien de ce que j'ai écrit n'est obscène, et je défie quiconque de trouver dans mes textes une description scabreuse, un terme égrillard, pas une once de vulgarité. On a toujours loué la pureté de mon style, mais désormais, là où il y avait du romanesque, on trouvera l'exposé d'un cas clinique. Là où il y avait fantaisie, on lira de la perversité. J'ai écrit plus d'une centaine de livres et un seul mot les écrase désormais et les réduit à néant. On ne dira plus « Sa chère Mazoche », l'auteur de « Don Juan de Coloméa », « Le legs de Caïn » ou « L'amour de Platon ». On dira « Sa chère Mazoche, n'est-ce pas l'homme qui souffrait de masochisme ?» Ah, si on avait dû forger un mot à partir de mon nom, j'aurais pu espérer que ce soit pour une école littéraire. Pas pour cette infamie. À seulement 57 ans, Léopold von Sacher-Masoch est un homme usé et malade, atteint de troubles cardiaques et de problèmes de vue. Malgré sa faiblesse physique et son découragement, il ne peut compter que sur sa plume pour nourrir sa famille et publie encore quelques romans. Mais un nouveau projet lui tient à cœur. Afin de contribuer à la vie sociale et culturelle de sa région, la Hesse, il fonde en 1893 une association pour la culture populaire. Il fait installer des canalisations d'eau dans des villages reculés, inaugure des bibliothèques, organise des conférences, des représentations théâtrales et des concerts. Hulda, à ses côtés, parvient à le motiver quand le découragement gagne. Pour la bibliothèque de Mokstad, il nous arrive des livres de partout. Bientôt, nous n'aurons plus assez de rayonnage. Comment as-tu fait ? Je peux encore compter sur quelques donateurs. Quand as-tu programmé ma conférence ? Cet après-midi même. Tu as attendu. Et de quoi allez-vous nous entretenir, cher maître ? Ce sont eux qui ont choisi le thème. Hein. La guerre de 30 ans. Qui a envie d'entendre un vieux déblatéré sur la guerre de 30 ans ? Oh, tu es très attendu. Et je serai au premier rang. Moi, c'est sur scène que je veux te voir. Un concert au piano. Le moment est venu. Je vais d'abord monter une chorale. Plusieurs musiciens ont répondu présent. J'ai aussi beaucoup de demandes pour le théâtre amateur. Je vais avoir besoin de tes conseils pour choisir dans le répertoire classique. Et pourquoi n'écrirais-tu pas une pièce que l'on créerait ici ? Ça en fait du travail pour un mort. Léopold, je déteste ce genre d'humour noir et tu le sais. Mais je ne plaisante pas. Je suis officiellement mort. C'est écrit dans le journal. Mais de quoi parles-tu ? De mon avis de décès. Une annonce dans la rubrique nécrologique, entourée d'un liseré noir avec mon nom et la date. Apparemment, ça vient d'un journal de Cologne, qui a repris la nouvelle de journaux étrangers, de Paris, de Londres. Ah, ça fait un effet curieux, hein, de savoir que le monde entier vous a déjà enterré. Tu t'es manifesté, j'espère. Oh, ils ont rectifié d'eux-mêmes 2 jours plus tard, avec leurs plus plates excuses. Et quelle honte, vraiment. Quand mon heure viendra, je le saurai. Ma mère et avant elle, mon grand-père, l'ont su. C'est de famille. Je ne veux rien entendre de tout ça. Tu as encore tant de contes, tant de romans à écrire. Et j'ai trop besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Sache que j'ai pris mes précautions. J'ai rédigé mon testament. Et pourtant, j'ai bien peu à vous léguer, à toi et à nos enfants. Un nom frappé au sceau de l'infamie. Des dettes. Une œuvre bientôt oubliée. Et le souvenir d'un triste mari à qui rien n'aura été épargné. À la nouvelle de sa santé déclinante et de son endettement, une célèbre écrivaine autrichienne, Bertha von Suttner, future prix Nobel de la paix, remue ciel et terre pour lui faire obtenir une aide financière. Ses efforts sont contrés par Wanda, qui se targue d'avoir fait échouer ses tentatives par pure vengeance. Léopold von Sacher-Masoch meurt à l'aube de la soixantaine en 1895. Ses derniers mots seront « Aimez-moi » qu'il prononce en français. Sa famille gardera ses cendres dans une urne qui disparaîtra quelques années plus tard dans l'incendie de la maison, effaçant ainsi jusqu'à ses dernières traces. La haine de Wanda ne faiblira pas. Elle se déclarera comme la seule veuve légitime de Sacher-Masoch et traitera Hulda et ses enfants de maîtresses et bâtards, comme si elle n'avait jamais pu accepter le remariage de Léopold. De surcroît, elle s'adressera à Krafft Ebing en réclamant qu'il enlève son nom de ses futures éditions. Dans une lettre brève, Krafft Ebing lui répondra « Il eût mieux valu que votre défunt mari ait renoncé à écrire un certain nombre de ses romans. C'est à lui-même qu'il a fait le plus grand mal, car il a été un poète très doué et il aurait pu créer une œuvre de valeur sans le dérèglement sexuel dont il a été la victime. Il n'y pouvait rien. » Krafft Ebing se défendra plus tard encore de l'accusation que lui feront les admirateurs de Saker Masoch et continuera d'affirmer que ce qu'il appelle une anomalie de sa sensibilité sexuelle aura empêché l'écrivain d'atteindre une vraie grandeur littéraire. Bien des années ont passé depuis ma mort. Je ne peux que constater à quel point j'avais tristement raison. Les ouvrages de Krafft Ebing n'ont cessé de s'imposer et il ne reste plus rien de mon œuvre littéraire. J'ai disparu sous mon propre nom dévoyé. Léopold von Sacher-Masoch, de l'écrivain aux symptômes, de Catherine Sova, avec Léopold von Sacher-Masoch, Grégoire Tachnakian, Vanda, Karine Goron, Hulda, Chloé Chaudois, Richard von Krafft Ebing, Sharif Andoura, le collègue psychiatre Jean-Noël Lefebvre, bruitage Elodie Fiat, enregistrement, montage et mixage Manuel Couturier et Kevin Delcourt, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Sacher Masoch avec mon invitée Catherine Sova. Shiny, shiny, shiny boots of leather, with flash girl child in the dark, comes in bells, your servant don't forsake him, strike dear mistress, cure his heart. Downy sins of streetlight fancies, chase the costumes she shall wear, adorn imperious, Severin, Severin awaits you there. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash girl child in the dark, Severin your servant comes in bells, please don't forsake him, strike dear mistress and cure his heart. Venus in Furs par le Velvet Underground, une chanson de Lou Reed. Vous êtes sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, et réalisé par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Vincent Désière. Alors cette chanson de Lou Reed en 67 est une des multiples expressions du renouveau de l'intérêt pour Sacha Mazoch. Dans les années 60, il y a eu des chansons, des films, le plus célèbre celui de Polanski, et puis il y a le fameux livre de Gilles Deleuze en 67. Et comment expliquer ça? Dans les années 60, c'est la révolution sexuelle, peut-être? Oui, probablement. Puis il y a toujours cette image de quelque chose de sulfureux qu'on ne comprend pas tout à fait et sur lequel qui fait un peu rêver, qui fait fantasmer, forcément, avec des images troubles. Il y a eu beaucoup de dessins aussi, beaucoup de peintures. Enfin, c'est vrai que ça reste quand même curieux dans l'imaginaire, de manière générale. Mais la chanson de Laurie rend quelque chose de formidable, je trouve, en réentendant. Ouais. Shiny boots, les bottes, les fameuses bottes de Vanda. Voilà, c'est ça. Catherine Sauva, donc, quand on compare la vie de Sacha Mazoch et son roman La Vénus à la fourrure, on se demande un peu qui a inspiré l'autre. On a l'impression qu'il y a toujours un va-et-vient entre sa vie réelle et les romans. Avec son épouse, on l'a entendu, il a voulu reproduire dans la vraie vie la relation du livre, en fait. Parce que Vanda, son épouse, ne s'appelle pas Vanda, elle s'appelle Angelica Aurora Rumlin. Donc il joue des situations du livre qu'il a écrit précédemment. C'est quand même assez surprenant. Oui, c'est ça, toujours. C'est ce fameux trouble qu'il y a entre la réalité et le fantasme. Et alors, l'histoire de sa femme, c'est incroyable. C'est-à-dire que le livre sort avec quelques petits remous, comme on a dit tout à l'heure, et un jour frappe à sa porte une femme voilée, enfin avec un masque en tous les cas, et qui se présente à lui, qui ne dit pas son vrai nom. Donc là, on est en 1870, juste après l'apparition du livre. Et qui se présente à lui, qui va absolument le rencontrer, et qui le fascine, ils vont se revoir sous un bec de gaz, elle va entre un vrai mystère autour d'elle. En fait, c'est une femme d'origine un petit peu plus modeste qui cherche peut-être pas tant l'amour, mais plutôt quelqu'un d'intéressant avec qui vivre des émotions et peut-être un mari aussi, de manière plus banale comme à cette période. Et elle va le convaincre et ils vont signer tous les deux. Ils vont refaire absolument tout ce qui était fait dans le livre et c'est initié par elle. Donc ils vont signer un contrat, ils vont se mettre ensemble et elle quitte son joli prénom d'Aurore pour prendre celui de Vanda qui est un petit peu plus chargé et prendre le nom du personnage du livre. Alors ça va se terminer pas du tout comme dans le roman. Elle part avec son amant, Armand, ça se termine plutôt en Fédo plutôt qu'en Sacha Mazoch. Oui, c'est exactement ça. C'est même assez triste. Le Armand en question était vraiment un chevalier d'industrie, on va dire. Il a grugé pas mal de gens. Son truc à lui, c'était toujours trouver des femmes un peu riches, qui étaient mariées, si possible, avec un renom, ce qu'il faisait un peu progresser dans la société. Donc ça a été le cas avec le couple Sacha Mazoch. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre que la nouvelle Vénus à la fourrure a été inspirée par des histoires réelles que Sacha Mazoch a vécu avant d'écrire ce roman, enfin des histoires bien réelles. Ah oui. Plusieurs femmes, il avait ce désir cette recherche de femmes dominatrices. Voilà, et puis d'être l'esclave, en tous les cas, dans les faits de femmes qu'il admirait, qui devaient être majestueuses et porter, si possible, des fourrures voluptueuses devant lui. Mais l'histoire que je trouve extraordinaire, c'est celle qu'il a vécue avec Fanny von Pistor, qui est probablement l'initiatrice, effectivement, de la Vénus à la fourrure, qui était une jeune veuve, une baronne, avec laquelle il est parti en Italie. Femme de la haute aristocratie viennoise. Tout à fait. Et donc, leur relation se passe de telle et telle manière, mais très très vite, il lui déclare vouloir être son domestique. Il voyage en troisième classe. Il part à Florence, il porte les bagages et tout. Et c'est là où, de temps en temps, la réalité est juste terne et triste, c'est-à-dire que lui porte une livrée de domestique pour servir sa belle, et dans la rue, il rencontre un ami qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Comment es-tu donc vêtue, etc. Et là, tout d'un coup, la vérité le frappe, la réalité le frappe. Parce qu'il y a quelque chose de comique, mais je ne sais pas si c'est vraiment voulu, quoi. Mais quand on lit La Vénus à la fourrure, il y a quand même toujours de l'humour, en tous les cas, qui est derrière. Lui-même disait que c'était effroyablement comique. Donc, il y a cette terme qui est une distance, quand même. Voilà, c'est ça. Il y a une photo aussi qui existe où on voit Fanny von Pistor avec Sacha Mazoch à ses pieds. C'est assez étonnant, cette photo. Imaginez-vous, elle recouverte de fourrure, allongée sur une ottomane avec un fouet à la main, ce qui fait tout à fait penser à la photo qu'on connaît bien de Lou Andrea Salomé qui tient un fouet devant Nietzsche et Paul Rey. Oui. En fait, il y a vraiment cette époque. C'est la même époque, absolument. C'est étonnant. Donc, c'est Sacha Mazoche, c'est quand même un personnage... Bon, c'est à la ville, c'est un bourgeois respectable. Hein, c'est un écrivain qui aime le confort, qui aime les honneurs, on entend. Il reçoit même la Légion d'honneur. Comment est-ce que les lecteurs de l'époque ont réagi en découvrant la Vénus à la fourrure? C'est quand même un livre assez sulfureux, quoi. Je crois qu'ils n'ont pas compris pourquoi une personne comme lui, qui avait écrit des pièces de théâtre qui étaient plutôt historiques, qui s'intéressait à des sujets plus culturels, on va dire, tout d'un coup sort un ouvrage de la sorte. Ils ont trouvé ça dégoûtant, pour utiliser un mot banal, c'est-à-dire ils ont trouvé... Le pire pour eux, c'était dans les critiques, ce qui revient toujours, c'est comment est-ce qu'un homme peut s'humilier de la sorte? C'est-à-dire qu'un homme doit être toujours plus fort qu'une femme. On est quand même dans ces années-là où l'inverse n'est pas imaginable. En 1890, donc, le psychiatre Krafft Ebing invente le terme de masochisme du vivant même de Sacha Mazoche. On comprend que le coup soit rude pour lui, puisque le marquis de Sade, lui, au moins, il était mort depuis longtemps. C'est assez étonnant quand même, ça va être un vrai tournant dans la vie de Sacha Mazoche. Oui, enfin moi je crois qu'il s'en remettra jamais. Par la suite, on a dit que lui d'abord a protesté, son fils plus tard a essayé aussi de s'insurger. Krafft Ebing n'avait pas l'impression d'avoir commis quelque chose de grave, il pensait plutôt que c'était quelque chose de malheureux. C'est ce qu'il explique d'ailleurs dans la lettre à Vanda. Si seulement votre mari n'avait pas eu ce type d'imagination, il aurait été juste un grand écrivain. Donc voilà, il le voit comme ça, il ne le voit pas comme un criminel. Donc ça, c'est la différence effectivement avec Sade. Mais en tous les cas, ça ne l'a pas empêché de le mettre dans une petite case qui existe toujours aujourd'hui. Oui, est-ce que la psychiatrie, à la fin du 19e siècle, avec Krafft Ebing, est-ce qu'en désignant comme ça des perversions sexuelles, en les étiquetant, en faisant des listes, est-ce qu'elle n'est pas devenue plus prude et plus répressive finalement que l'époque précédente? Vous voyez, vous le disiez, les lecteurs trouvaient le livre dégoûtant, mais de là à créer un terme, enfin devenir quelque chose de scientifique, c'est curieux quand même. Oui, c'est probablement la fonction de Krafft Ebing qui travaille auprès des tribunaux en tant qu'expert médical, qu'il conduit à essayer de comprendre qu'est-ce qui relève de la pathologie et qu'est-ce qui relève du crime, en fait. Et c'est comme ça qu'il arrive à créer toutes ces divisions, sous-divisions, etc. Divisions qui seront reprises par Freud, d'ailleurs. Oui, absolument. On pourrait dire que c'est presque le père de la sexologie moderne, quelque part, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées quand même de lui. C'était pas juste un Hulubert qui a écrit sur des choses affreuses. On peut s'imaginer que dans cette société aussi, il y avait... des gens qui étaient condamnés pour avoir commis des crimes atroces. Donc, il fallait bien légiférer et essayer de comprendre tout ça. Donc, à la fois, c'est probablement, comment est-ce qu'on peut dire, louable. Et de l'autre, évidemment, c'est toujours ça, c'est réducteur. Est-ce qu'il faut lire Vénus à la fourrure, Catherine Sauvin? Oui. je pense qu'on y... C'est le type d'ouvrage qu'on aborde avec un imaginaire qui est tel qu'on risque de trouver ça peut-être un peu pâle. Un peu vieillot, parce qu'effectivement, comme il l'a dit lui-même, il n'y a pas des images absolument épouvantables qui peuvent charger les esprits. En revanche, c'est plutôt émouvant de se dire que ce livre-là a présidé à ce qu'on sait aujourd'hui. Merci beaucoup Catherine Sauva. Je rappelle, vous êtes l'autrice de L'homme à la fourrure, une BD publiée chez Dargo avec la dessinatrice Anne Simon. À lire également de vous, Depuis que je vous ai lu, je vous admire. Ce sont des visites d'écrivains à leur modèle, c'est ça Ça a été édité en 2021 chez Fayard. Et bien sûr, de Léopold von Sacher Mazoche, ses œuvres maîtresses, dont La Vénus à la fourrure, qui sont disponibles aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Voilà, c'est la fin ce soir d'Autant en emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends, comme toujours, vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous partirons en Angleterre dans le village de Haworth à la rencontre d'une famille incroyable, étonnamment douée, la famille Bronte, qui réalisa le miracle de produire trois écrivaines en l'occurrence, trois sœurs, Charlotte, Emily et Anne, qui toutes les trois, totalement inconnues, écrivirent des romans. Jane Léo de Hurlevent et Agnès Grey, des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise. Les sœurs Brontë et la naissance de Jane Eyre, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter.